même pas imaginer. En France, depuis la fin des années 80, le rap, et en particulier la tendance hip hardcore, constitue non seulement un phénomène social, mais encore une prise de parole éminemment politique. Dans sa chanson, s'exprime en effet la critique, voire la révolte d'une partie de la jeunesse des quartiers relégués. Cette jeunesse objet de la part de la société en général et de la part de la police dans la vie quotidienne. Ce dernier aspect domine souvent dans une construction médiatique qui associe étroitement rap et violence. Il faut cependant dépasser cette image superficielle. J'habitais un appartement au 15e étage d'une sortie gigantesque classeur métallique pour jeune cadre. Les murs étaient en béton. 30 cm de béton, c'est important. Quand votre voisine a égaré sa prothèse auditive et qu'elle regarde les jeux télévisés à plein volume. Ou aussi quand une sorte d'éruption volcanique crache de vos fenêtres, quantité de débris qui autrefois étaient vos meubles et qui maintenant ne sont plus que des flammes dans la nuit. Je suppose que ce sont des choses qui arrivent. Donc, reste à voir s'il n'y a pas une langue de feu. Cette ville, la chance peut tourner d'une seconde à l'autre. J'adore voir le soleil. J'adore voir le soleil. J'adore voir le soleil. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Oh, oui, des frites! Des frites! Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. But it was kung fu. Parallèlement, les militaires à gaz vitesse, les cheveux longs, les mini-jupes, Sophocle, Tolstoï, Euripide, briser les verres à la russe, faire grève, Aristophane, Ionesco, Sartre, Albi, Pinter, la liberté de la presse, la sociologie, Beckett, Dostoïevski, la musique moderne, la musique populaire, les mathématiques modernes. Le CRS enleva son casque, dégrafa son ceinturon, enleva ses bottes. En effet, au moment où le Christ est crucifié en Palestine, se produit au Mexique un événement similaire. Un mage noir est crucifié à un arbre. Et s'assit confortablement devant sa télévision. Et parce qu'il regarde une histoire d'amour. Préparez votre carte bancaire et appelez maintenant le numéro de téléphone inscrit sur votre écran. Ces jeunes filles ne sont pas des cousettes. Elles travaillent afin de devenir de parfaites femmes d'intérieur. Réparer une prise électrique ou trouver rapidement son chemin ne doit pas les embarrasser. Bien entendu, tâche primordiale, la préparation d'un repas. Savoir s'accommoder des restrictions, présenter de façon appétissante notre ordinaire est presque un art. Oh, Bazakina, Sutramaria, Masikina, Mama.